Raymond Poirier est avec nous pour sa chronique de technologie de l'information, puisqu'il est chargé de communication à l'ITIS, l'Institut technologie de l'information et société de l'Université Laval. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette semaine, ce n'est pas toi qui vas parler, en gros. Non, effectivement, en fait, on a déjà fait mention en fait d'une conférence qu'on a le plaisir d'organiser mercredi prochain dans le cadre de notre série Midi Innovation TI. C'est une conférence qui s'intitule Les nouvelles technologies et la mise en valeur du patrimoine. Et dans le cadre de cette conférence-là, une conférence donc qui risque d'être extrêmement intéressante, on va partir à l'exploration des travaux et des projets liés à la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique. Et pour donner aux auditeurs et auditrices un aperçu justement des initiatives qui sont développées, des initiatives innovantes, devrais-je dire, qui sont développées à la chaire, eh bien, aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus avant à l'une d'entre elles, qui est un projet assez globalisant, assez synergique aussi, peut-être, dans le contexte de la chaire. Il s'agit du projet d'encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. Et avec nous, au bout du fil, ben, on a le coordonnateur, Martin Fournier. Bonjour. Bonjour. Alors, de manière générale, en fait, si on met les bases en place, les nouvelles technologies, on peut dire qu'ils changent la manière dont on présente, dont on partage, dont on met en valeur le patrimoine. Et à ce titre-là, on le disait de manière générale, les travaux de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, à laquelle le projet d'encyclopédie est associé, sont de manière générale assez parlants, là. Oui, définitivement. Donc, le projet d'encyclopédie a été un des nombreux projets développés par la Chaire. Et c'est un centre de recherche qui est très actif, un lieu de recherche qui est très actif. Et il y a donc plusieurs autres projets qui s'agreffent progressivement à la petite équipe très dynamique qui est associée à la chaire. Et c'est on aura l'occasion là, d'aller plus en détail avec les questions que vous avez retenues. Mais c'est un milieu qui est très dynamique, effectivement, et qui est axé sur l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies pour bien mettre en valeur le patrimoine. Et je disais tout à l'heure, j'utilisais le terme synergie. On peut dire que le projet d'encyclopédie est un peu l'une des initiatives qui rallie les différentes autres initiatives justement développées par la chaire. Bien, c'est sûr qu'une encyclopédie comme telle est un lieu, un ouvrage important, est un lieu où on va retrouver une grande diversité de connaissances. Alors, c'est sûr que tous les projets qui sont développés à la chaire risquent un jour ou l'autre d'avoir un élément qui est pertinent à inclure dans l'encyclopédie, et c'est le cas. Donc, on a profité à l'encyclopédie de plusieurs autres projets pour développer cet ouvrage-là et en faire un ouvrage extrêmement important qui est maintenant la principale source d'information en ligne sur le patrimoine des francophones d'Amérique, et un ouvrage qui présente une grande diversité de produits, de façons de découvrir le patrimoine. Et M. Fournier, justement, est-ce que vous pouvez nous la présenter, l'encyclopédie? Oui, ben en fait, c'est un ouvrage qui est distribué seulement sur Internet. On est en ligne depuis 2008, depuis le printemps 2008. Il y a un ensemble de 280 sujets différents qui sont couverts chacun par l'entremise d'un article. On a des volets aussi spéciaux sur la chanson populaire, sur le théâtre francophone en Amérique. Et on va avoir bientôt une application sur la ville de Québec. Donc, c'est un ouvrage qui est multimédia, qui comprend à peu près 6000 images différentes. On a presque 200 vidéos, dont certains vont être mis en ligne là, très bientôt, mais ça va nous faire un total d'environ 200, 540 chansons. Donc, vous pouvez consulter cette encyclopédie-là et découvrir des aspects de l'héritage francophone en Amérique à travers le Canada, dans toutes les provinces. Il y a aussi des éléments de patrimoine des francophones aux États-Unis. Et l'Amérique française est bien sûr liée à la France. Donc, on trouve aussi en France des éléments du patrimoine de l'Amérique française. Et tous ces éléments-là, tout type de patrimoine confondu, se retrouvent en grande quantité dans l'encyclopédie. Et qu'est-ce qui a amené justement à son implantation? Qu'est-ce qui a donné l'idée de développer cette ressource d'information en ligne autour justement du patrimoine culturel de l'Amérique française? Il y avait les fêtes de création de la Ville de Québec, fondation de la Ville de Québec en 2008, qui était une date charnière, et il y a un politicien assez bien connu, M. Marcel Masse, qui voulait profiter de cette occasion-là pour mieux faire connaître la contribution des francophones dans le développement de l'Amérique du Nord. Et donc, c'est lui qui était à la base de découvrir une façon de mettre en valeur la contribution des francophones. Et il est à la source de ce projet-là. Et en utilisant ses différents contacts, il a recruté Laurier Turgeon, qui est le titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, pour diriger l'encyclopédie et lui donner une orientation un peu plus précise. Et donc, c'est les deux personnes, on peut dire, qui sont vraiment à la base du projet. Au départ, c'était un projet d'encyclopédie papier. Et lorsqu'on m'a recruté pour coordonner le financement du projet, essayer de recruter des auteurs, etc. Donc, dans les démarches que j'ai accomplies pour lancer le projet en collaboration avec ses directeurs, avec son initiateur, je me suis rendu compte que la tendance web était très forte et que par rapport à notre objectif à nous, de couvrir le patrimoine sous toutes ses formes, le web présentait plusieurs atouts. Donc, on a migré vers un projet Internet. Mm-hmm. Pour être plus pertinent, pour être un petit peu plus excitant, je dirais, et profiter du fait que sur Internet, on peut être multimédia à beaucoup moins cher que sur un projet papier. Alors, donc, ça a été, en gros, les premières étapes du projet, et on a réussi à intéresser des bailleurs de fonds gouvernementaux, et on a pu donc lancer le projet avec un premier corpus d'une cinquantaine d'articles en 2008. Et justement, vous parliez du web, Martin Fournier. Cet outil-là, justement, c'est ce qui a amené beaucoup d'énergie, beaucoup de possibilités, qui a ouvert un univers de possibilités, comme on disait, à l'encyclopédie. Et justement, en fait, de quelle manière on aborde un peu la réflexion derrière les articles pour savoir bien les présenter, bien les mettre en valeur et bien utiliser aussi les ressources qui sont disponibles via ce médium-là? Donc, c'est sûr, comme je vous dis, avec Internet, on est d'emblée multimédia. Donc, on a accès à un grand nombre d'illustrations. On peut beaucoup utiliser le langage visuel. Moi, j'avais une formation en audiovisuel, donc tout de suite, j'ai été aussi intéressé à joindre l'audiovisuel à ça. Donc, on est un partenaire de l'ONF. Il nous alimente en documents d'archives et maintenant, on va en production. Donc, on fait nos propres reportages ou entrevues audiovisuelles. Et on peut dire qu'en gros, l'objectif est d'utiliser le potentiel d'Internet pour présenter toutes les facettes d'un élément du patrimoine. Il y a toujours plusieurs façons de regarder un bien patrimonial ou un événement à caractère patrimonial. Donc, on a toujours notre formule de base qui est, je pense, normale dans une encyclopédie, c'est-à-dire on a un article, on a un texte qui est assez long, dans lequel on peut expliquer beaucoup de choses simplement, de façon accessible, mais on a vraiment une information bien articulée, complète. Et ensuite, s'il y a des gens qui sont un peu moins intéressés à l'information écrite et qui veulent découvrir un élément du patrimoine d'une autre façon, on leur offre des images, on leur offre des audiovisuels, on leur offre des images à caractère historique, on leur offre des images contemporaines, on a souvent des éléments audio qui sont présents aussi, surtout des chansons. Alors donc, il y a moyen de découvrir, d'explorer un élément du patrimoine de plusieurs façons. Et une fois que le sujet nous intéresse, mais là, on peut vraiment approfondir parce qu'on a tous les éléments qui permettent d'en saisir toutes les facettes et d'approfondir le sujet avec aussi des références bibliographiques et des hyperliens vers d'autres sites Internet. Donc, on peut aussi être un portail vers une information vraiment approfondie si le sujet nous intéresse. Et d'une certaine manière, en fait, dans le contexte actuel, ça devient presque nécessaire d'offrir des panoplies comme ça, en fait, de ne pas se contenter simplement du texte, mais vraiment d'en offrir pour tous les goûts et d'offrir une exploration qui va être multimédia, multidisciplinaire même. Bien, en fait, je crois qu'il y a une attente à ce niveau-là, c'est-à-dire que, étant donné qu'on a le potentiel et qu'on s'habitue de plus en plus à explorer des sujets de façon multimédia, avec l'introduction des tablettes électroniques, la tendance s'accentue. Donc, je pense que c'est bien important, mais en plus aussi, si on réfléchit au caractère de certains éléments du patrimoine, par exemple, nous, on est très intéressés. Laurier Turgeon est un spécialiste du patrimoine immatériel. Donc, tout ce qui est performance, conteur, chanson, danse, tout ce qui est événement comme un carnaval, ou un pèlerinage, par exemple. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments du patrimoine immatériel et on était très intéressés à les couvrir. Donc, si on veut comprendre un événement, comme le carnaval, par exemple, c'est très pertinent ces jours-ci. Alors, c'est bien d'être plongé dans le carnaval, de voir un peu qu'est-ce que c'est une fête, cette fête-là, d'avoir un peu froid avec les gens qui sont à l'extérieur en train de danser pour se réchauffer, etc. Donc, il y a des éléments du patrimoine qu'on avait intérêt à traiter de façon multimédia. Alors, donc, c'était même important pour nous de nous diriger vers des formules multimédia, en plus de l'attente qui est de plus en plus grande de la part du public. Monsieur Fournier, le site est en ligne depuis 2008. C'est assez nouveau comme concept, une encyclopédie en ligne qui utilise autant de multimédia. Et quel est le résultat jusqu'à maintenant? Bon, ben, c'est sûr que depuis qu'on est en ligne, on a une croissance constante de notre achalandage, de notre clientèle. Au début, on n'osait pas trop faire de promotion parce qu'une encyclopédie avec 50 ou 75 articles, on se dit, ma foi, c'est pas si encyclopédique que ça. Mais maintenant, on est très fiers de notre produit et on fait plus de promotion. Et étant donné aussi qu'on a plus de sujets qui risquent d'être repérés par les moteurs de recherche, donc évidemment, notre visibilité est de plus en plus grande et notre fréquentation aussi est de plus en plus grande. On était l'année dernière à une fréquentation totale pour l'année d'environ 220 000 visiteurs uniques, c'est-à-dire 220 000 ordinateurs qui se sont connectés à notre site. Et avec la croissance là, des derniers mois, on va certainement dépasser 300 000 visiteurs uniques dans la dizaine de prochains mois, là, disons. Là. On est donc encore une fois en croissance. Ça n'a pas cessé depuis qu'on est en ligne. Et je crois qu'on répond à un besoin, ou en tout cas les gens aiment bien notre site. Ça, c'est évident. Et parallèlement, en fait, ça ne se limite pas non plus à des éléments visuels, il y a aussi des éléments participatifs. Notamment, vous faites l'intégration aussi d'éléments liés au jeu sérieux. Oui, ben donc on a commencé à suivre l'évolution du web, donc l'interactivité est toujours plus importante, plus présente. Donc on a mis en ligne des premiers produits interactifs il y a 2 ans. C'était une section spéciale sur la chanson populaire, à travers laquelle donc on peut alterner lecture, consultation de chansons. On a beaucoup de photos aussi, une 150aine de photos, et on a des questions-réponses, un jeu de questions-réponses assez amusant, à travers lequel on apprend encore plus. Donc ça, c'était notre premier produit interactif. Et là, maintenant, on va avoir une application mobile, on a un blog participatif, et on est très engagé dans une nouvelle tendance qu'on appelle le jeu sérieux, le serious game. Donc c'est donc un jeu vidéo où effectivement, là, l'internaute qui veut se renseigner est plongé dans l'action, où il apprend en avançant dans un jeu, en remplissant des objectifs, en accomplissant une mission. Et on est dans le développement de cette tendance-là depuis plus d'un an maintenant. On avait un projet exploratoire qui nous a appris beaucoup de choses. Et on est dans une deuxième réalisation qui est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus ambitieuse. Et on espère donc pouvoir mettre ce nouveau produit-là en ligne sur le site à la fin du printemps ou au début de l'été. Et on est très, très excités par ce nouveau projet-là. Et on invite les gens donc à aller découvrir justement cette encyclopédie en ligne. C'est au www.americefrançaise.org. Les éléments sont là et comme vous l'avez dit, le site continue également de grandir, de progresser. Et parallèlement, il y a aussi cette conférence donc qui est présentée en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique par l'Institut technologique de l'information et société. Ça, c'est le 1er février 2012, donc à 11h30. C'est sur inscription seulement. Et ça, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur la conférence, c'est sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Martin Fournier, donc coordonnateur de l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. Merci. C'est moi qui vous remercie et au plaisir. Merci beaucoup, M. Fournier. Raymond, merci à toi aussi. Mais ça me fait plaisir également. Alors, Raymond Poirier, on te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique de l'ITIS. Et d'ailleurs, toutes celles qu'on a fait ensemble se retrouvent sur le site Internet. www.itis.ulaval.ca. Merci beaucoup, Raymond.